King Makiadi, prudence. Motokouria naye, kibaba naye. Baninga banga baboli. Uyo kandenge na zolela. Na lela ngambe ala sunganga. Tanitene, Real de Madrid. Fualdenga lula bato Martin Silifon. Uyo kandenge na zolela. Darko mafusa. Son âme repose en paix. C'est écrit dans la Bible, où il y a la moto qui n'a yo. Jusqu'à ce que tu retournes au sol. C'est Oumande, Fabrice Bazi, le grand kinésithérapeute de Liège à Kinshasa. Fatamo qui limite ma mabéo. Oui, les mouches n'y Apollinaire, ma pota. Bébé, Kouchaé. Jean-Luc, Moukoumoué, Alemachitaé. Le baron de la ville, casse-moi. Batamo qui limite ma mère. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Henri Matadi, Wamba. Et Rolo Abé, Haché, Douloufoile. Et Jambi Abanga, et Mekidimbu, Jipe, Matulunye, Clément Mopengaye, et des Kamouma, l'honorable de Bruxelles. Namo Salato Kosalaka, Kiti Moulama, Nakela Sito Kotanga, Kajo Zainda, Nazando Tokote Kakengambe Shilala, Mesoki Nazui Mingi, Namo Temano Bude. Na mote mano fache, vini kako liyama na sala yonini. Ingratitude utawapi papi mboma. Mote mama be utawapi Alex Pumuti. Jalousie utawapi Paul Mukoko. Mastoza mabe, mastoza kolo. Wangana to salanga mabe, katalai. Yo senga kananga tolo na zeta manganga na yo. Ekoli ideoloji oli ambu mangande misisa. So keza la tan zete apondu mbele toyo kanavre. Ebonge lanseye ngaite. No mayola. Nazali nanga kane na mapoko ya avegle. Botani. So kyo kwe isinga. Ah. Mabakwe. Marathon lesheke. Papsoni zebongo yebakia michele kakapebo ndeko. Likunya ya nini na kinge makiadi. Lekia dake ya yana lema chuta. Selyo luse metre dona sindani. Umela umela ongenda ongenda coach. Ilshile love. Honorable makani plaside. Fresa munita kutela. Damien Kalunga. Memwana kulu zelo zonjele nga peson tawata. Utuke na mutu konge bazoze la kakumani ma. Rasta bombe. Dea dea dea. Koko daka wenze moko bitunga neke seni. Ya kingwe soki etondi ye salata ye malalese. Ya ye soki etondi ya kinge nini. Kedite mwa lobango. Bote kitoka lobango. Pelos mangombi ya lobango. Mateus da costa fima mbo chame. Alfonso Tango, bienvenue au Panzama. C'est Katanga. Na Shaba Kupenda, Freddy Kalambayi. Chanani Zibanda Kulona, Malu Wajibu Bakule. Chantage Fonseca. Kaina Bamaka, Bele Pona Zua. Jalousie à Ninye, na Kine Makiadi. Kabi Masikini. Jalousie à Ninye, na Sifa Petita Kante. Jalousie à Ninye, na Nasi Mokoko. Jalousie à Ninye, ta maître Pichumoku. Elle m'a pas sa dambou la Jimmy Mbeza. Cléo Kaleou. Ingratitude ou ta wapi, Eric Dallas. chinja jalousie utawa pipa chopanda matosa mabe matosa kolo wangana tosalanga mabe matosa mabe kadia matosa kolo sangi uzata fudi vumi ka francilo la viokuna ka frankero zonkion l'autre malouma Eliot Mondobe vous êtes acquitté. Yosamabe, l'ikunya ya nine, na kinga makiadi, franke moule le boga, ojeni wa lobananga, kubela masumuna yo, bongokolo alembisa, kalose muntu. Akuna matata belulu vadio, Charlie Katima, l'éléphant a pris les ailes.